L'anniversaire de l'infante par Oscar Wilde. Chapitre 1er. C'était l'anniversaire de la naissance de l'infante. Elle venait d'entrer dans sa 12e année et le soleil brillait de tout son éclat dans les jardins du palais. Bien qu'elle fût une véritable princesse, qu'elle fût infante d'Espagne, elle n'avait chaque année qu'un anniversaire tout comme les enfants des plus pauvres gens. C'était donc tout naturellement chose des plus importantes qu'elle eût pour cette occasion une très belle journée. Et c'était véritablement une très belle journée. Les hautes tulipes rayées se dressaient avec raideur sur leurs tiges comme de longues rangées de soldats, et à travers l'herbe, lançaient aux roses des regards de défi et disaient « Maintenant, nous voici aussi splendides que vous. » Les papillons empourprés volaient avec de la poussière d'or sur leurs ailes, rendant visite tour à tour à toutes les fleurs. Les lézards se glissaient hors des fentes des murs et restaient immobiles se baignant dans la lumière crue. Les grenades se fendaient, éclataient sous la chaleur et montraient leur corps rouge saignant. Même les citrons jaunes pâles, suspendus à profusion parmi le treillis moisi et le long des sombres arcades, semblaient avoir pris une teinte plus riche grâce à ce merveilleux soleil. Les gros magnolias ouvraient leurs grosses fleurs sphériques pareilles à de l'ivoire en feuilles et répandaient dans l'air un doux et lourd parfum. La petite princesse, en personne, allait et venait sur la terrasse avec ses compagnes et jouait à cache-cache autour des vases de pierre et des vieilles statues envahies par la mousse. En temps ordinaire, il lui était permis de jouer seulement avec des enfants de son propre rang, en sorte qu'elle était réduite à jouer toute seule. Mais son anniversaire était un jour exceptionnel. Le roi avait donné des ordres pour qu'elle pût inviter autant de ses petites amies qui lui plairaient à venir s'amuser avec elle. Il y avait une grâce imposante dans les mouvements de ces sveltes enfants espagnols. Les garçons avec leurs grands chapeaux garnis de plumes et leurs courtes vestes qui voltigeaient, les filles soulevant les queues de leurs longues robes de brocart et abritant leurs yeux contre le soleil au moyen d'immenses éventails noirs et argent. Mais la plus gracieuse de toutes, c'était l'infante. Elle était aussi habillée avec le plus de goût, étant donné la mode quelque peu encombrante de cette époque. La robe était de satin gris, la jupe et les manches largement bouffantes brodées d'argent, et le corset rigide avec ses multiples rangées de belles perles. Deux mignonnes pantoufles avec de larges rosettes écarlates se devinaient sous sa toilette lorsqu'elle marchait. Son large éventail était de couleur rose et verte, en gaze grise, et dans sa chevelure qui se dressait raide comme une auréole d'or fanée autour de sa petite figure pâle, elle avait une belle rose blanche. Le roi, à la figure triste, mélancolique, les contemplait par une des fenêtres du palais. Derrière lui se tenait debout son frère, Don Pedro d'Aragon, qu'il haïssait, et son confesseur, le grand inquisiteur de Grenade, était assis à côté de lui. Le roi était plus triste qu'à l'ordinaire, car tout en regardant l'infante, qui saluait avec une gravité enfantine les courtisans qui se groupaient ou riaient derrière son éventail de la farouche duchesse d'Albuquerque, dont elle était toujours accompagnée, il songeait à la mère de l'infante, la jeune reine venue si peu de temps auparavant, à ce qui lui semblait du joyeux pays de France pour s'étioler dans la sombre splendeur de la cour d'Espagne et mourir juste 6 mois après avoir donné le jour à sa fille, avant d'avoir vu 2 fois les blanches fleurs des amandiers du verger, avant d'avoir 2 fois cueilli les fruits du vieux figuier noueux qui occupait le centre de la cour du palais, maintenant envahi par les herbes. Si grand avait été son amour pour elle qu'il n'avait pas même permis à la tombe de la soustraire à son regard. Elle avait été embaumée par un médecin mort auquel on avait accordé la vie en récompense de ce service, car il était déjà condamné à mort par le Saint-Office à ce qu'on disait pour hérésie et suspicion de pratique magique. Le corps de la reine demeurait toujours dans sa bière capitonnée, dans la chapelle de marbre noir du palais, telle que les moines l'y avaient portée en une journée orageuse de mars, près de 12 ans auparavant. Une fois par mois, le roi, enveloppé d'un manteau noir, une lanterne sourde à la main, venait s'agenouiller près d'elle, appelait « Mirena, Mirena !» Et parfois, en freignant l'étiquette minutieuse qui règle tous les moindres actes de la vie et impose des bornes même au chagrin d'un roi, il saisissait les mains pâles, chargées de bijoux, et dans une crise farouche de douleur, il tentait d'éveiller par ses ardents baisers la froide figure peinte. Ce jour-là, il lui semblait la revoir, telle qu'il l'avait vue pour la première fois au château de Fontainebleau, lorsqu'il n'avait que 15 ans et qu'elle était plus jeune encore. Ils avaient alors été fiancés dans toutes les règles par le nonce du pape, en présence du roi de France et de toute la cour, et elle était retournée à l'Escurial, en portant une petite boucle de cheveux blonds et le souvenir de deux lèvres enfantines qui s'étaient penchées pour lui baiser la main au moment où il était monté dans son carrosse. Plus tard avait eu lieu le mariage, célébré en hâte à Burgos, petite ville près de la frontière qui séparait les deux pays. Puis ce fut l'entrée solennelle à Madrid, avec la célébration usuelle de la grande messe dans l'église de la Atocha, et l'autodafé plus solennel que de coutume, lors duquel près de 300 hérétiques, et parmi eux un grand nombre d'Anglais, avaient été livrés aux bras séculiers pour être brûlés. Certes, il avait aimé avec emportement, et selon bien des gens, jusqu'au point de ruiner son pays, alors en guerre avec l'Angleterre, au sujet de la possession de l'Empire du Nouveau Monde. Il lui avait tout juste permis de s'éloigner un instant de sa vue. Pour elle, il avait oublié ou paru oublier toutes les affaires graves de l'État. Et par suite de l'aveuglement terrible où la passion plonge ses esclaves, il n'avait jamais remarqué que les cérémonies compliquées par lesquelles il cherchait à lui plaire ne faisaient qu'aggraver l'étrange mal dont elle souffrait. Lorsqu'elle mourut, il fut semblable pendant quelque temps à un homme qui a perdu la raison. Et même, il n'y a pas lieu de douter qu'il n'eût abdiqué dans toutes les règles pour se retirer dans le grand monastère trappiste de Grenade, auquel il était déjà prieur titulaire, sans la crainte de laisser la petite infante à la merci de son frère. Celui-ci avait, même aux yeux des Espagnols, une réputation de cruauté. Bien des gens le soupçonnaient d'avoir causé la mort de la reine à l'aide d'une paire de gants empoisonnés dont il lui avait fait présent lorsqu'elle était venue le voir dans son château en Aragon. Même lorsque furent expirés les 3 ans du deuil public qu'il avait ordonné dans tous ses états par un édit royal, le roi ne permit jamais à ses ministres de lui parler d'un nouveau mariage. Et même lorsque l'empereur lui envoya proposer et lui offrit la main de la charmante archiduchesse de Bohême, il ordonna aux ambassadeurs de dire à leur maître que le roi d'Espagne était déjà uni à la souffrance et que si stérile que fût cette fiancée, il l'aimait mieux que la beauté, réponse qui coûta sa couronne les riches provinces des Pays-Bas. Car celles-ci, à l'instigation de l'empereur, ne tardèrent pas à se révolter contre lui sous la conduite de quelques fanatiques de l'Église réformée. Toute sa vie conjugale, avec ses joies sauvages et la souffrance terrible qui en suivit la brusque cessation, lui revenait en quelque sorte en ce jour-là, comme il regardait l'infante jouer sur la terrasse. Elle avait toute la gracieuse étourderie des façons de sa mère, le même air volontaire quand elle secouait la tête, la même courbe orgueilleuse et belle de la bouche, le même merveilleux sourire, vrai sourire de France, lorsque de temps à autre elle levait les yeux vers la fenêtre ou tendait sa petite main au baiser des majestueux gentilshommes espagnols. Mais il souffrait d'entendre les rires aigus des enfants. L'éclat impitoyable du soleil était une raillerie pour son chagrin, et une faible odeur de drogues aromatiques, telles que celles qu'emploient les embaumeurs, semblait souiller, à moins que ce ne fût une illusion, la pureté de l'air du matin. Il se cacha la figure dans ses mains, et comme l'infante leva de nouveau les yeux, les rideaux avaient été tirés et le roi s'était éloigné. Elle fit une petite moue de désappointement et haussa les épaules. Sûrement, il aurait dû rester avec elle le jour de son anniversaire. Qu'importaient ces sottes affaires d'État? Ou bien s'était-il rendu dans cette sombre chapelle où brûlaient continuellement ses cierges et où jamais on ne lui permettait d'entrer? C'était bien sot de sa part, alors que le soleil brillait avec tant d'éclat, quand tout le monde était si heureux. En outre, il allait manquer le simulacre du combat de taureaux, que la trompette annonçait déjà, sans parler de la pièce jouée par les marionnettes et de bien d'autres merveilles. Son oncle et le grand inquisiteur étaient bien plus raisonnables. Ils étaient sortis sur la terrasse et lui avaient fait de jolis compliments. Aussi hocha-t-elle sa jolie tête, puis prenant Don Pedro par la main, elle le conduisit lentement par les escaliers vers une longue tente de soie pourpre qui avait été dressée à l'autre bout du jardin. Ils furent suivis des autres enfants dans l'ordre rigoureux des préséances, ceux qui avaient les noms les plus longs passant les premiers. Chapitre 2e. Un défilé d'enfants nobles, habillés en toréadors de fantaisie, sortit à sa rencontre et le jeune comte de Terranueva, garçon d'une beauté extraordinaire, âgé d'environ 14 ans, se découvrit avec toute la grâce d'un hidalgo et grand d'Espagne de naissance et la conduisit à une petite chaise dorée et ornée d'ivoire qui était placée sur une plateforme dominant l'arène. Les fillettes se groupèrent tout autour, agitant leurs immenses éventails et causant tout bas, pendant que Don Pedro et le grand inquisiteur riaient à l'entrée. Même la duchesse, la Camerera Mayor, ainsi qu'on la qualifiait, personne maigre, aux traits durs, avec une collerette jaune, n'avait pas l'air aussi bougon qu'à l'ordinaire. On eût dit qu'un sourire glacial voltigeait sur sa figure ridée et tourmentait ses lèvres minces et décolorées. Certainement ce fut un merveilleux combat de taureau, et de l'habit de l'infante, autrement gentil que le véritable combat de taureau qu'on l'avait mené voir à Séville à l'occasion de la visite faite à son père par le duc de Parme. Un certain nombre d'enfants faisaient des évolutions sur des chevaux de carton richement harnachés, brandissant de longues lances auxquelles étaient attachés des flots de rubans aux couleurs vives. D'autres couraient à pied, agitaient devant le taureau leurs manteaux écarlates, franchissant la barrière d'un bond léger quand il fonçait sur eux. Quant au taureau lui-même, il avait tout à fait l'air d'un taureau vivant, bien qu'il se composât simplement d'une carcasse d'osier couverte de cuir, et que parfois il montra une certaine propension à marcher sur les pattes de derrière, ce que ne ferait pour rien au monde un taureau vivant. Il se conduisit merveilleusement dans la lutte. Les enfants s'animèrent tellement qu'ils finirent par monter sur des bancs, par agiter leurs mouchoirs de dentelle et crier « Bravo, taureau, bravo, taureau !» avec autant d'à-propos que l'eussent fait de grandes personnes. À la fin, cependant, après un combat prolongé, où plusieurs des chevaux de carton furent saignés à blanc et leurs cavaliers désarçonnés, le jeune comte de Terranueva abattit le taureau sur ses genoux, et ayant obtenu de l'infante la permission de donner le coup de grâce, il plongea son épée de bois dans le cou de l'animal avec tant de violence que la tête se détacha tout net, laissant à découvert la figure rieuse du petit monsieur de Lorraine, fils de l'ambassadeur de France à Madrid. La reine fut alors déblayée au milieu de nombreux applaudissements, les cadavres des chevaux de carton entraînés solennellement au dehors par deux pages mauresques en livrée jaune et noire. Il y eut un court intermède pendant lequel un équilibriste français fit des tours sur la corde tendue. Puis l'on vit des marionnettes italiennes qui jouèrent la tragédie à demi classique de Sobonis Bay sur la scène d'un petit théâtre bâti tout exprès. Elles s'en acquittèrent si bien, et leurs gestes étaient si parfaitement naturels, qu'à la fin de la pièce, les yeux de l'infante étaient tout troublés par les larmes. Il y eut même des enfants qui pleurèrent réellement et qu'il fallut consoler en leur distribuant des pâtisseries. Le grand inquisiteur lui aussi fut tellement ému qu'il ne put s'empêcher de dire à Don Pedro qu'il lui semblait intolérable que des objets fabriqués simplement avec du bois et de la cire et manœuvrés mécaniquement avec des fils de fer fussent malheureux à ce point et éprouvassent d'aussi terribles infortunes. Puis parut un jongleur africain avec un grand panier plat couvert d'un drap rouge. Il le posa au milieu de la reine et tirant de son turban une curieuse flûte de roseau, il se mit à en jouer. Au bout de peu d'instants, il sembla que l'étoffe remua, et à mesure que la flûte rendait un son de plus en plus aigu, on vit deux serpents verts et or avancer leurs têtes étranges en forme de coin, se dresser lentement, se balancer de côté et d'autre en suivant la musique, comme se balance une plante aquatique. Toutefois, les enfants furent assez effrayés de voir ces crocs tachetés, ces prestes-langues dardées, et ils furent bien plus enchantés lorsque le jongleur fit sortir du sable un tout petit oranger qui porta de vraies fleurs, de jolies fleurs blanches et des groupes de véritables fruits, et lorsque, prenant l'éventail de la petite fille de la marquise de Las Torres, il changea cet objet en un oiseau bleu qui voltigea tout autour de la tente et qui chanta, leur plaisir et leur étonnement furent au comble. Le menu est solennel, exécuté par les petits danseurs de l'église de Nuestra Señora del Pilar, fut aussi charmant. L'infante n'avait jamais vu cette singulière cérémonie qui a lieu tous les ans au mois de mai devant le maître-autel de la Vierge et en son honneur. D'ailleurs, aucun membre de la famille royale d'Espagne n'était entré dans la grande cathédrale de Saragosse depuis le jour où un prêtre atteint de folie et que bien des gens crurent soudoyés par Élisabeth d'Angleterre tenta d'administrer une hostie empoisonnée au prince des Asturies. Aussi l'infante ne connaissait-elle que par ouï dire la danse de Notre-Dame, et c'était en effet un très beau spectacle. Les enfants portaient un ancien costume de cour en velours blanc. Ils étaient coiffés de singuliers tricornes bordés de galons d'argent et surmontés d'immenses panaches en plumes d'autruche. La blancheur éblouissante de leur costume, pendant qu'ils se mouvaient en plein soleil, était encore accentuée par leur teint basané et leurs longs cheveux noirs. Tout le monde était enchanté de la gravité, de la dignité avec laquelle ils accomplissaient les figures compliquées de cette danse, de la grâce étudiée et de la lenteur de leurs gestes, de leurs révérences imposantes, et lorsqu'ils eurent terminé leur parade et ôtèrent devant l'infante leur grand chapeau à plumes, elle répondit à leur hommage avec grande courtoisie et fit le vœu d'envoyer un gros cierge de cire au sanctuaire de Notre-Dame del Pilar en souvenir du plaisir qu'elle lui avait donné. Une troupe de beaux Égyptiens, ainsi nommait-on les Gypsies en ce temps-là, s'avança alors dans l'arène. Ils s'assirent en cercle, les jambes croisées, et se mirent à jouer très doucement sur leur sitar, en balançant leur corps en suivant la mesure, et murmurant, sans faire plus de bruit que s'ils respiraient, un chant grave et mélancolique. Lorsqu'ils aperçurent Don Pedro, ils lui lancèrent un regard farouche. Quelques-uns même parurent terrifiés, car quelques semaines à peine auparavant, il avait fait pendre deux hommes de leur tribu pour sorcellerie sur la place du marché de Séville, mais la jolie infante les charma lorsqu'elle se redressa en arrière pour épier de ses grands yeux bleus par-dessus son éventail, et ils se dirent qu'assurément une créature aussi aimable ne serait cruelle envers personne. Aussi jouèrent-ils du luth, très doucement, effleurant à peine les cordes de leurs ongles longs et taillés en pointe, leurs têtes dodelinant comme s'ils étaient pris de sommeil. Tout à coup, jetant un cri si perçant que les enfants sursautèrent, et que la main de Don Pedro se serra fortement sur le pommeau d'agate de son poignard, ils se redressèrent d'un bond et tournèrent comme des enragés autour de l'enceinte, en battant du tambourin et chantant, en leur langue étrange et gutturale, une farouche chanson d'amour. Puis, à un autre signal, ils se jetèrent de nouveau à terre, où ils restèrent tout à fait immobiles, sans que rien troublât le silence, excepté la sourde vibration de leur sitar. Lorsqu'ils eurent fait cela plusieurs fois, ils se retirèrent, puis reparurent amenant un ours brun tout velu et portant sur leurs épaules de petits singes de Barbarie. L'ours se dressa, la tête en bas, avec la plus parfaite gravité. Les singes aux faces ratatinées firent mille tours amusants avec deux jeunes gypsies qui paraissaient être leurs maîtres. Ils s'escrimèrent avec de petites épées. Ils tirèrent des coups de canon. Ils firent successivement tous les exercices du soldat avec autant d'exactitude que la garde du roi. Ces gypsies eurent un véritable succès. Mais la partie la plus divertissante de toute la fête de la matinée fut sans contredit la danse du petit nain. Lorsqu'il arriva d'un pas inégal sur la scène, en se balançant sur ses jambes torses et balançant de droite et de gauche sa grosse tête difforme, les enfants jetèrent de grands cris de plaisir, et l'infante elle-même rit si haut que la caméra major dut lui rappeler que s'il y avait de nombreux précédents d'une fille du roi d'Espagne pleurant devant ses égaux, il n'en existait point d'après lesquels une princesse de sang royal se fût abandonnée à sa gaieté en présence de gens qui lui étaient inférieurs par la naissance. Pourtant le nain était absolument irrésistible, et même à la cour d'Espagne, qui se fit toujours remarquer par sa passion particulière pour l'horrible, on n'avait jamais vu un petit monstre aussi fantastique. En outre, c'était sa première apparition. Il avait été découvert seulement la veille, alors qu'il errait dans la forêt, par deux des nobles que les hasards de la chasse avaient conduits dans la partie la plus lointaine de ce bois de chêne-liège qui entourait la ville. Il l'avait emporté au palais pour en faire la surprise à l'infante. Son père, un pauvre charbonnier, avait été trop heureux de se défaire d'un enfant aussi laid, aussi inutile. Ce qui était peut-être le plus amusant en lui, c'était qu'il n'avait pas la moindre idée du grotesque de son aspect. Loin de là, il semblait heureux, plein d'entrain. Lorsque les enfants riaient, ils riaient avec autant de franchise, autant de joie qu'aucun d'entre eux. À la fin de chaque danse, il leur adressait le salut le plus drôle qu'on pût concevoir, en leur souriant, leur faisant des signes de tête ou comme s'il avait été leur camarade, et non point ce petit être difforme que la nature, dans un caprice plaisant, avait fabriqué pour servir de cible aux railleries d'autrui. Quant à l'infante, elle exerça sur lui une fascination complète. Il ne pouvait détourner ses yeux d'elle. On eût dit qu'il dansait pour elle seule. La danse finie, elle se rappela ce qu'elle avait vu faire aux grandes dames de la cour, jetant des bouquets à Caffarelli, le fameux soprano italien, que le pape avait pris dans sa propre chapelle pour l'envoyer à Madrid charmer la mélancolie du roi par la douceur de sa voix. Elle prit donc dans sa chevelure la belle rose blanche, et soit par plaisanterie, soit pour taquiner la camerera, elle jeta la fleur au bout de la reine en adressant au nain son plus charmant sourire. Celui-ci prit le geste très au sérieux. Il pressa la fleur sur ses lèvres grossières, posa sa main sur son cœur, et mit un genou en terre devant l'infante, avec un sourire qui allait d'une oreille à l'autre et le plaisir pétillant dans ses petits yeux. Cela bouleversa la gravité de l'infante, au point qu'elle ne put maîtriser ses éclats de rire longtemps après que le petit nain eut quitté la reine, et elle fit part à son oncle du désir de voir recommencer cette danse. Mais la camerera allégua qu'il faisait trop chaud, et décida qu'il valait mieux que son Altesse retournât tout de suite au palais, où était déjà préparé en son honneur un magnifique festin. Il y avait, entre autres choses, un véritable gâteau d'anniversaire sur lequel étaient dessinées de tous côtés ses initiales en sucre colorié, le tout surmonté d'un joli drapeau d'argent. En conséquence, l'infante se leva avec grande dignité, et après avoir donné ses ordres pour que le petit nain revînt danser devant elle après l'heure de la sieste, elle fit envoyer ses remerciements au jeune comte de Terra Nueva pour sa charmante réception. Puis elle rentra dans ses appartements, où les enfants la suivirent, dans le même ordre qu'ils avaient fait leur entrée. Chapitre 3e. Or, le petit nain, ayant été informé qu'il devait danser une seconde fois devant l'infante, et cela par son ordre express, fut si fier qu'il courut au jardin, qu'il baisa la rose blanche dans une absurde extase de plaisir, en manifestant son ravissement par les gestes les plus maladroits, les plus lourdeaux. Les fleurs furent tout à fait indignées de l'audace avec laquelle il envahissait leur magnifique séjour, et en le voyant faire des cabrioles dans les allées du jardin, agiter ses bras au-dessus de sa tête, d'une façon si ridicule qu'elles ne purent contenir davantage l'expression de leurs sentiments. « Vraiment, il est beaucoup trop laid pour qu'on lui permette de s'ébattre dans le même endroit que nous, » s'écrièrent les tulipes. « Il faudrait qu'il boive du sucre de pavot et qu'il aille dormir un millier d'années, » dirent les grands lys écarlates, et ils s'échauffèrent et se mirent en grande colère. « Il est parfaitement horrible, » hurlèrent les cactus. « Comment il est tout en nœuds, tout en bosse ? Sa tête est tout à fait hors de proportion avec ses jambes. Vraiment, il me semble qu'en le voyant, je me couvre d'aiguillons, et s'il vient près de moi, je le piquerai de mes épines. » « Et il a bel et bien reçu une de mes plus belles fleurs, » s'écria le rosier aux roses blanches. « Je l'avais donnée moi-même à l'infante ce matin comme présent d'anniversaire, et il la lui a dérobée. » Et il cria à tue-tête, « Au voleur, au voleur, au voleur !» Des géraniums rouges eux-mêmes, qui habituellement ne se donnaient pas de grands airs, étaient connus pour avoir un grand nombre de parents pauvres, se mirent en boule sur son passage tant ils éprouvaient de répugnance. Et lorsque les violettes eurent fait remarquer avec timidité que s'il était d'une laideur incontestable, ce n'était tout de même pas de sa faute, ils firent cette remarque, où il entrait une bonne part de justice, que s'il en était incurable, ce n'était pas une raison pour être admiré. En outre, quelques-unes des violettes elles-mêmes trouvèrent que la laideur du petit nain était presque provocante, et qu'il aurait fait preuve de bien meilleur goût s'il s'était montré triste, ou du moins pensif, au lieu de sautiller gaiement et de prendre toutes ses attitudes grotesques et sottes. Quant au vieux cadran solaire, qui était un individu extrêmement remarquable, et qui avait jadis indiqué l'heure à un personnage qui n'était rien moins que l'empereur Charles Quint, il fut si abasourdi de la tournure du petit nain qu'il faillit oublier de marquer 2 minutes entières et ne put se retenir de dire au grand pan d'une blancheur de lait qui se chauffait au soleil sur la balustrade que, au vu et au su de tout le monde, les enfants des rois étaient des rois, que les enfants des charbonniers étaient des charbonniers, et qu'il était absurde de prétendre qu'il n'en fut pas ainsi. Cette assertion obtint l'approbation absolue du pan, qui allait même jusqu'à crier « Certainement, certainement !» d'une voix si forte et si âpre que les poissons dorés, habitant le bassin de la fraîche fontaine jaillissante, sortirent la tête hors de l'eau et demandèrent aux énormes tritons de pierre ce qu'il pouvait bien y avoir. Mais les oiseaux éprouvaient un je ne sais quoi en sa faveur. Il l'avait vu maintes fois dans la forêt, dansant comme un elfe, à la poursuite des feuilles chassées en tourbillon, ou bien recroquevillé dans le creux d'un vieux chêne et partageant ses noisettes avec les écureuils. Et qu'il fût laid, voilà qu'il leur était bien égal. Tenez, le rossignol lui-même, qui chantait si mélodieusement la nuit dans les bosquets d'orangers, que parfois la lune se penchait pour écouter, n'avait pas grand-chose d'attrayant à l'œil. En outre, le nain avait été bon pour eux, et pendant ce terrible froid de l'hiver, quand il n'y avait plus de baies aux arbres, que la terre était dure comme du fer, que les loups étaient allés jusqu'aux portes même de la cité en quête de nourriture, il ne les avait jamais oubliés. Il leur avait toujours donné des miettes de sa petite boule de pain noir, et avait partagé avec eux la pauvre pitance, quelle qu'elle fût, qui lui servait de déjeuner. Aussi voltigea-t-il sans cesse autour de lui, effleurant sa joue de leurs ailes tout en babillant ensemble. Le petit nain fut si enchanté de leur accueil qu'il ne put s'empêcher de leur montrer la belle rose blanche et de leur dire que l'infante elle-même la lui avait donnée parce qu'elle l'aimait. Ils ne comprirent pas un mot de ce qu'il leur disait, mais cela ne faisait rien. Il penchait la tête de côté, d'un air entendu, ce qui fait tout aussi bon effet que de comprendre les choses, et c'est bien plus aisé. Les lézards aussi éprouvaient un intérêt immense pour lui, et quand, las de courir de tous côtés, il se laissa tomber sur l'air pour se reposer, ils se divertirent, jouèrent à saute-mouton sur lui, et firent de leur mieux pour l'amuser à leur manière. « Tout le monde ne peut pas être aussi beau qu'un lézard, » s'écria-t-il. « Ce serait être trop exigeant. » Et puis, bien que la chose parût absurde à première vue, il n'est pas si laid que cela après tout, pourvu naturellement qu'on ferme les yeux et qu'on évite de le regarder. Les lézards étaient d'un tempérament extrêmement philosophique, et souvent ils passaient plusieurs heures de suite ensemble à méditer, quand ils n'avaient pas autre chose à faire, ou que le temps, trop pluvieux, ne leur permettait pas de sortir. Mais les fleurs étaient offensées au plus haut point de leur conduite et de celle des oiseaux. « Cela montre tout simplement, » disait-elle, « combien on devient vulgaire par l'effet de ce mouvement, de ce vol incessant, précipité. Les gens bien élevés restent toujours exactement à l'endroit où ils se trouvent, c'est ce que nous faisons. Jamais on ne nous vit aller et venir en sautillant par les allées, ou galopant follement à travers l'herbe à la poursuite des libellules. Quand nous éprouvons le besoin de changer d'air, nous envoyons chercher le jardinier. » Et il nous porte dans une autre plate-bande. Voilà qu'il se conduit avec dignité et c'est ce qu'on doit faire. Mais les oiseaux, les lézards, n'ont aucune idée de repos et même les oiseaux n'ont pas d'adresse permanente. Ce sont de simples vagabonds, comme les bohémiens, et on devrait les traiter exactement de la même façon. Ainsi donc, elles levaient le nez, prenaient des airs hautains, et elles furent tout à fait contentes de voir le petit nain se relever du milieu de l'herbe et se diriger tant bien que mal à travers la terrasse du côté du palais. « On devrait certainement le tenir enfermé pour le reste de sa vie, » dirent-elles. « Regardez ce dos bossu, ses jambes torses. » Et elle ricanait. Mais le petit nain ne sut rien de tout cela. Il avait une affection immense pour les oiseaux et les lézards. Il pensait que les fleurs étaient les choses les plus merveilleuses qu'il eût dans le monde entier, en acceptant naturellement l'infante. Mais il faut dire qu'elle lui avait donné la belle rose blanche et qu'elle l'aimait, et cela faisait une grande différence. Combien il désirait de repartir en sa compagnie. Elle l'aurait mis à sa droite, elle lui aurait souri, il ne serait jamais éloigné d'auprès d'elle. Il aurait toujours fait d'elle la compagne de ses jeux. Il lui aurait appris mille tours charmants. Car bien que jusqu'alors il n'eût jamais mis les pieds dans un palais, il connaissait quantité de choses étonnantes. Il savait faire des cages de joncs dans lesquelles chantaient des sauterelles, façonner les bambous aux nœuds espacés pour en faire la flûte dont Pan se plaît à jouer. Il connaissait le cri de chaque oiseau, pouvait appeler les étourneaux du haut des arbres, le héron du bord de l'étang. Il connaissait la trace de tout animal, était capable de suivre le lièvre à la marque délicate que laissent ses pas, le sanglier d'après les feuilles foulées. Il connaissait toutes les danses sauvages, la danse folle en costume rouge avec l'automne, la danse légère en sandales bleues par-dessus les blés, la danse avec les guirlandes blanches de la neige en hiver, la danse des floraisons à travers les vergers au printemps. Il savait où les pigeons des bois construisent leur nid, et une fois, un oiseleur ayant pris les parents au piège, il avait élevé lui-même les petits et leur avait établi un petit pigeonnier dans le creux d'un orme polar. Ils étaient tout à fait apprivoisés et venaient tous les matins manger dans sa main. Elle les prendrait en affection, ainsi que les lapins qui trottinaient à travers les longues fougères, et les geais aux plumes couleur d'acier, au bec noir, et les hérissons qui savent se rouler en boule épineuse, et les grosses et sages tortues qui vont rampant avec lenteur, en hochant de la tête et grignotant les jeunes pousses. Oui, c'était certain, il fallait qu'elle vînt à la forêt jouer avec lui. Il lui donnerait son petit lit et veillerait au dehors à la fenêtre jusqu'à l'aube afin que les bêtes à cornes ne lui fassent aucun mal, que les loups efflanqués ne puissent se glisser trop près de la hutte. Et à l'aube, il frapperait au volet et l'éveillerait. Il sortirait, et ils danseraient ensemble tout le long de la journée. Et vraiment, ce n'était point du tout une solitude que cette forêt. Parfois, un évêque la traversait, monté sur sa mule blanche et lisant dans un livre à images. D'autres fois, les fauconniers coiffés de bonnets en velours vert, en juste au corps de peau de daim tanné, passaient, portant sur leurs poings les faucons encapuchonnés. À l'époque de la vendange, c'étaient les fouleurs de raisin, aux mains et aux pieds teints en pourpre, couronnés de lierre lustré et portant des outres d'où dégouttait le vin. Il y avait aussi les charbonniers, assis la nuit autour de leur vaste meule, surveillant la lente combustion des bûches et faisant rôtir des châtaignes dans les cendres. Il y avait les voleurs qui sortaient de leurs cavernes pour venir se divertir avec eux. Une fois même, il avait vu une belle procession se dérouler sur la longue route poudreuse qui menait à Tolède. En avant marchaient les moines. Ils chantaient de beaux chants, en portant de magnifiques bannières et des croix d'or. Puis venaient, en armure d'argent, avec leurs arquebuses et leurs piques, les soldats. Et au milieu d'eux marchaient trois hommes, pieds nus, vêtus de singuliers habits jaunes, sur lesquels étaient peintes un grand nombre de figures bizarres. Ils tenaient des cierges allumés. Certainement, il y avait dans la forêt une foule de choses qui méritaient d'être vues, et quand elle serait lasse, il lui trouverait un tertre de mousse moelleuse, ou bien il la porterait dans ses bras, car il était très fort, bien qu'il sût qu'il n'était pas de haute taille. Il lui ferait un collier avec les baies rouges de la Brionne, et ce serait aussi beau que les baies blanches qu'elle avait sur sa robe, et quand elle s'en lasserait, elle les jetterait et lui en trouverait d'autres. Il lui apporterait de ces coupes qui entourent les glands, des anémones tout humides de rosée et de tout petits vers luisants qui feraient des toiles dans l'or pâle de sa chevelure. Chapitre 4. Mais où était-elle? Il le demanda à la Rose Blanche qui ne lui répondit pas. Tout le palais paraissait dormir et, même là où les volets n'avaient pas été clos, des péridots avaient été tirés sur les fenêtres pour cacher la lumière aveuglante. Il alla et vint, cherchant un endroit par où il put entrer, et finit par apercevoir une porte particulière qui était ouverte. Il se glissa par là et se trouva dans une salle splendide, bien plus splendide que la forêt, se dit-il avec crainte. Il y avait partout tellement de dorures. Le sol même était formé de grandes dalles de couleurs, juxtaposées de façon à faire une sorte de dessin géométrique. Mais la petite infante n'était pas là. Il n'y vit que de magnifiques statues blanches qui semblaient le regarder du haut de leurs piédestaux de jaspe, avec leurs yeux, d'une inertie mélancolique et un étrange sourire aux lèvres. Au bout de la salle pendait un rideau de velours noir, richement brodé d'un semis d'étoiles et de soleil, motif de prédilection du roi, et disposé sur la couleur qu'il préférait. Peut-être se cachait-elle derrière. En tout cas, il cherchera à le savoir. Ainsi donc, il fit quelques pas en silence et écarta le rideau. Non, il y avait là une autre chambre, mais plus jolie, selon lui, que celle dont il sortait. Les murs étaient tendus de tapisseries vertes aux nombreuses figures, travaillées à l'aiguille, représentant une chasse. C'était l'œuvre de certains artistes flamands qui avaient passé plus de 7 ans à son exécution. Cette chambre avait été celle de Jean le Fou, ainsi qu'on appelait ce roi insensé, si épris de la chasse, que dans son délire il avait été plus d'une fois tenté de monter les énormes chevaux indociles et de forcer le cerf, sur lequel se lançaient les grands chiens en sonnant le son du cor de chasse et frappant de sa dague le paladin en fuite. Elle servait alors aux réunions du conseil, et sur la table qu'en occupait le centre se trouvaient les portefeuilles rouges des ministres, timbrés à la tulipe d'or de l'Espagne et avec les armoiries et les emblèmes de la maison de Habsbourg. Le petit nain promena un regard émerveillé autour de lui et eut presque peur d'aller plus loin. Les étranges et silencieux cavaliers, qui galopaient si rapidement par les longues clairières, lui semblaient être ces terribles fantômes dont il avait entendu les charbonniers parler. Ces comprachos qui ne chassent que la nuit et qui changent en biche tout homme qu'ils rencontrent pour lui donner alors la chasse. Mais il pensa à la jolie infante et prit courage. Il tenait à la trouver seule et à lui dire que lui aussi il l'aimait. Peut-être était-elle dans la chambre suivante. Il passa en courant sur les doux tapis mauresques et ouvrit la porte. Non, elle n'était pas là. Cette chambre était entièrement vide. C'était une salle du trône qui servait à la réception des ambassadeurs étrangers lorsque le roi consentait à leur donner audience en personne, ce qu'il n'avait pas fait souvent depuis quelque temps. C'était la chambre même où, bien des années auparavant, avaient paru des envoyés d'Angleterre venus pour négocier le mariage de leur reine, alors du nombre des souverains catholiques de l'Europe avec le fils aîné de l'empereur. Les tentures étaient de cuir de cordoue doré, et un lourd lustre doré dont les branches portaient 300 bougies de cire était suspendu au plafond noir et blanc. Au-dessous d'un grand dais en drap d'or, sur lequel les lions et les tours de Castille étaient brodés en semences de perles, se voyait le trône même, couvert d'une riche housse de velours noir, où étaient semées des tulipes d'argent et qui étaient bordées de franges compliquées avec argent et perles. Sur la seconde marche du trône était placé le siège sur lequel se tenait à genoux l'infante. Le coussin en était couvert de draps d'argent. Plus bas encore, et en dehors de l'espace couvert par le dais, il y avait le siège réservé aux nonces du pape, le seul personnage qui eut le droit d'être assis en présence du roi, dans quelque cérémonie publique que ce fût. Son chapeau de cardinal, avec ses bandes d'écarlate entrelacées, était posé en face de lui sur un tabouret de pourpre. Sur le mur, vis-à-vis du trône, était suspendu le portrait en grandeur naturelle de Charles Quint, en costume de chasse, avec un grand mâtin à côté de lui. Le portrait de Philippe II, recevant l'hommage des Pays-Bas, occupait le milieu de l'autre mur. Entre les fenêtres était placé un cabinet d'ébène noire, incrusté de lames d'ivoire sur lesquelles les figures de la danse des morts de Holbein avaient été gravées, selon certains, de la main de ce maître fameux. Mais le petit nain ne s'intéressait nullement à cette magnificence. Il n'aurait pas donné sa rose pour toutes les perles du dais, ni un seul pétale de sa rose pour ce trône lui-même. Ce qu'il désirait, c'était de voir l'infante avant qu'elle descendît à la tente et de lui demander qu'elle partît avec lui lorsqu'il aurait fini sa danse. Ici, dans le palais, l'air était renfermé, épais, mais dans la forêt, le vent soufflait en liberté et la lumière du soleil aux mobiles doigts d'or écartait les feuilles tremblantes. Il y avait aussi des fleurs dans la forêt, peut-être pas aussi splendides que les fleurs du jardin, mais elles n'en avaient que plus de parfum, hyacinthes des premiers jours de printemps, qui inondaient de flots pourpres les frais vallons et les tertres de hautes herbes, primes verts jaunes qui se groupaient en petits paquets autour des racines noueuses des chênes, brillantes chélidoines, véroniques et iris lilas et or. Il y avait des chatons gris sur les noisetiers, des digitales qui s'inclinaient sous le poids de leurs cloches mouchetées que visitaient les abeilles. Le marronnier avait ses spires de blanches étoiles, l'épine vinette ses lunes pâles de beauté. Oui, sûrement, elle viendrait si seulement il pouvait la trouver. À cette pensée, un sourire illumina ses yeux et il entra dans la salle suivante. De toutes les pièces, celle-ci était la plus gaie et la plus belle. Les murs en étaient tendus de damas de luc aux fleurs cramoisies, dont les dessins représentaient des oiseaux, parmi lesquels se voyaient de jolis bouquets d'argent. Le mobilier était d'argent massif, festonné de guirlandes de fleurs dans lesquelles se balançaient des cupidons. En face des deux vastes cheminées se dressaient de grands écrans verts où étaient brodés des perroquets et des paons. Le plancher, qui était d'onyx vert de mer, semblait se perdre dans l'éloignement, et il n'était pas seul. Debout, dans l'ombre d'une porte, à l'extrémité de la pièce, il vit une petite personne qui le considérait. Son cœur trembla. Un cri de joie s'échappa de ses lèvres, et il s'avança en pleine lumière du soleil. Au même moment, la personne fit aussi un mouvement, et il la distingua très bien. L'infante. C'était un monstre. Le monstre le plus grotesque qu'il eût jamais vu. Elle n'était pas faite avec proportion comme tous les autres, elle était bossue. Elle avait les jambes torses, une grosse tête qui dodelinait et une crinière noire. Le petit nain fronça le sourcil. Le monstre fronça pareillement le sourcil. Il rit. L'autre rit en même temps, en se tenant les côtes comme il l'avait fait lui-même. Il lui fit une révérence moqueuse qui lui fut renvoyée de la même façon. Il alla à sa rencontre. Le monstre fit de même, en reproduisant chacun de ses pas et s'arrêtant dès qu'il s'arrêtait. Il s'amusa à crier. Il courut en avant. Il allongea la main et la main du monstre toucha la sienne. Elle était froide comme la glace. Il essaya de la presser, mais quelque chose de lisse et de dur l'arrêta. La figure du monstre était maintenant tout près de la sienne et semblait toute terrifiée. Il écarta les cheveux qui tombaient sur ses yeux. La créature l'imita. Il la frappa. Elle lui rendit coup pour coup. Il lui fit des grimaces de dégoût. Elle lui en fit d'autres. Il recula et elle recula. Qu'est-ce ? Il réfléchit un moment. Il regarda tout autour de lui, dans le reste de la salle. Chose étrange, on eût dit que tous les objets avaient leur double dans ce mur invisible d'eau transparente. Oui, pas de tableau, pas de lit de repos qui ne fût reproduit. Le faune endormi qui se trouvait dans l'alcôve près de la porte avait son frère jumeau endormi de même. La Vénus d'argent, qui était debout au soleil, tendait les bras à une autre Vénus aussi charmante qu'elle. Était-ce l'écho? Il l'avait appelée jadis dans la vallée et il avait reçu comme réponse ses propres paroles mot pour mot. L'écho était-il capable de contrefaire la vue comme d'imiter la voix? Pouvait-il créer un monde imitatif tout pareil au monde réel? Les ombres des choses pouvaient-elles avoir couleur, vie et mouvement? Se pouvait-il que... Il eut un sursaut. Il détacha de sa poitrine la belle rose blanche, fit demi-tour et l'embrassa. Le monstre avait lui aussi sa rose, la même jusqu'en tous ses pétales, et il lui donnait des baisers tout pareils. Il la serrait contre son cœur avec d'horribles gestes. Lorsque la vérité lui apparut enfin, il jeta un cri farouche de désespoir et tomba en sanglotant sur le sol. C'était donc lui, l'être difforme, bossu, répugnant à voir, grotesque. C'était lui, ce monstre. Et c'était de lui que tous les enfants avaient ri. Et la petite princesse, dont il s'était cru aimé, elle n'avait fait que rire, elle aussi, de sa laideur. Elle s'était égayée à voir ses membres contrefaits. Que ne l'avait-on laissé dans sa forêt, où aucun miroir ne se trouvait, pour lui apprendre combien il était répugnant? Pourquoi son père ne l'avait-il pas tué, au lieu de le vendre pour l'exposer à l'affront? Des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues, et il mit la rose en morceaux. Le monstre rampant fit comme lui, et éparpilla dans l'air les légers pétales. Il se traîna par terre, et quand l'autre le regarda, il lui vit une figure contractée par la souffrance. Il s'éloigna furtivement, de peur d'en être vu, et il se couvrit les yeux de ses mains. En rampant, il chercha l'ombre comme une créature blessée. Et à ce moment-là, l'infante entra avec ses compagnons par la fenêtre ouverte, et lorsqu'ils virent le vilain petit nain gisant à terre et frappant le parquet de ses poings fermés de la manière la plus étrange, la plus grotesque, ils partirent de bruyants éclats de rire, firent cercle autour de lui et le regardèrent. « Il était bien drôle quand il dansait, » dit l'infante. « Mais il est bien plus drôle quand il fait l'acteur. » Vraiment, il joue aussi bien que les marionnettes, quoiqu'il n'ait pas autant de naturel. Et elle agita son grand éventail, et elle applaudit. Mais le petit nain ne releva pas les yeux. Ses sanglots diminuèrent de force. Puis soudain, il eut une brusque et étrange aspiration. Alors il se renversa, puis resta immobile. « Voilà qui est parfait, » dit l'infante au bout d'un instant. « Mais maintenant, il faut danser pour moi. »« Oui, » crièrent tous les enfants. « Il faut vous lever et danser, car vous êtes aussi malin que les singes de Barbarie et bien plus risible. » Mais le petit nain ne répondit pas, et l'infant trépigna, et elle appela son oncle, qui se promenait sur la terrasse avec le chambellan, et lisait quelques dépêches arrivées à l'instant même du Mexique où le Saint-Office venait d'être établi. « Mon plaisant petit nain est en train de bouder, » s'écria-t-elle. « Il faut que vous veniez le réveiller et lui dire de danser pour moi. » Ils échangèrent un sourire et entrèrent sans se presser. Don Pedro se baissa et fouetta la joue du nain avec son gant brodé. « Il faut danser, petit monstre, » dit-il. « Vous allez danser. L'infant d'Espagne et des Indes veut qu'on l'amuse. » Mais le petit nain ne bougeait pas. « Il faudrait envoyer chercher un maître fouetteur, » dit Don Pedro d'un ton ennuyé. Puis il retourna sur la terrasse. Mais le chambellan avait l'air grave. Il s'agenouilla près du petit nain et lui mit la main sur le cœur. Au bout de quelques instants, il haussa les épaules et se releva. Puis, s'étant incliné très bas devant l'infante, il dit « Mi bella princesa, votre plaisant petit nain ne dansera plus jamais. C'est dommage, car il est si laid qu'il aurait pu faire sourire le roi. » « Mais pourquoi ne dansera-t-il plus ? » demanda l'infante en riant. « Parce qu'il a le cœur brisé, » répondit le chambellan. Et l'infante fronça le sourcil. Et ses mignonnes lèvres, pareilles à des pétales de rose, se courbèrent en une moue dédaigneuse et elle s'écria « Désormais que ceux qui viendront jouer avec moi soient sans cœur !» Puis elle courut au jardin. Ainsi s'achève l'anniversaire de l'infante par Oscar Wilde.